Théâtre radiophonique. Radio Nederland, le réseau radiophonique mondial des Pays-Bas, vous propose une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialoguée par Marc Cottel, une mort de théâtre. C'est une émission de Jean de Give, réalisée par Jean Ruche. Ah, bonjour Esther. Déjà là? Bonjour, monsieur le commissaire. Eh ben, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête. Oh, monsieur le commissaire. Quoi, c'est le théâtre qui vous met dans cet état? Oh, oui, monsieur le commissaire, oui. Comment? Un drame, monsieur le commissaire. Bah quoi, vous avez vu Ruy Blas? De Victor Hugo, oui, monsieur le commissaire. Et alors? Eh bien alors, le domestique est amoureux de la reine. Oui, oui, je connais la pièce. Oui. Et à la fin, quand la reine apprend qu'il n'est qu'un domestique, qu'il l'a trahi comme les autres... Mais Ruy Blas, le domestique, s'empoisonne. C'est ça, monsieur le commissaire. C'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes tout remué. Oui, monsieur le commissaire, oui. Il est mort. Le domestique? Ruy Blas est mort, monsieur le commissaire. Bon, enfin, voyons, Rister, c'est du théâtre. Non, monsieur le commissaire, il est mort. Mais au théâtre. Non, dans la vie. Quoi, il est mort? Il est mort dans la vie? Oui, monsieur le commissaire. Bon, enfin, expliquez-vous, mon vieux, qu'est-ce... Au moment où la reine découvre qu'elle est trahie par le fidèle Ruy Blas... Au moment où elle croit être trahie. C'est ça, oui. Enfin, alors, à ce moment-là, quand Ruy Blas s'empoisonne... Oui, en avalant le contenu d'une fiole. Oui, du poison, oui. Enfin, c'était du vrai poison. La fiole contenait du poison? Oui, de la strychnine. Mais alors? Mais c'est un crime, alors? Aucun doute, monsieur le commissaire. Et le médecin légiste, qu'est-ce qu'il... Il a constaté le décès, il a conclu à un empoisonnement à la strychnine. J'ai essayé de vous appeler hier soir chez vous, mais oui, il n'y avait personne. Oui, j'étais absent hier soir. Alors, je me suis permis de prendre l'affaire en main. Vous avez bien fait. Vous comprenez, j'étais témoin de tout ce qui s'est passé. Oui, maintenant, je comprends votre état. Une fois que je vais au théâtre, là, je peux dire que ça m'a donné une drôle d'émotion. Il a avalé le poison et aussitôt, il s'est effondré. Incapable de dire un mot. Et bien sûr, il a été foudroyé par le poison. C'est ce que le docteur m'a expliqué. Et les autres acteurs? Oh, il a fallu que j'intervienne énergiquement, c'était la panique. Nous étions réellement en plein drame. Évidemment, en plein drame. Et avec des artistes dramatiques, oui. En plus. Alors. Tant bien que mal, j'ai calmé tout le monde, j'ai convoqué la femme de la victime. Comment s'appelait-il? Ruy Blas? Oui. Jean Capdeville. Et sa femme? Laura Nanteuil. C'est un nom de théâtre, j'imagine. Enfin, c'est un pseudonyme, en effet, monsieur le commissaire. Elle est là? Elle doit pas tarder. Bon, alors, dès qu'elle arrivera, on l'interrogera. Entendu, hein, monsieur le commissaire. Madame, je vous présente mes plus sincères condoléances. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Vous étiez l'épouse de Jean Capdeville. Désormais, sa veuve, monsieur le commissaire. Oui. Vous dirigez la compagnie théâtrale avec votre mari? Oui. Nous dirigeons le TDT, Jean et moi, c'est vrai. Ça ne sera plus jamais la même chose. Le TDT? Le théâtre du temps. Ah. Et votre mari jouait actuellement Ruy Blas? Oui. Je ne vois pas comment on pourra le remplacer. D'ailleurs, si toute la troupe est d'accord, je pense qu'il vaut mieux... Il vaut mieux arrêter les représentations. Oui. J'ai l'intention de monter Phèdre et... Oui. Phèdre de Racine. Oui, ça, je sais. Non, mais pardonnez-moi d'être indiscret. Mon métier m'y oblige quelquefois. Vous aviez de bonnes relations avec votre mari? Nous étions véritablement un couple, monsieur le commissaire. Nous étions très unis. Oui. En dehors du théâtre, nous vivions l'un pour l'autre. Et pas de problème matériel? Non, le théâtre marche très bien. Nous avons toujours eu beaucoup de chance, Jean et moi. Car malheureusement, dans notre métier, le talent ne suffit pas toujours. Mais vous aviez à la fois le talent et la chance. C'est ce qu'on disait de nous, c'est vrai. Et, à votre avis, qui pouvait en vouloir à votre mari? En vouloir à Jean? Des envieux, des jaloux. Oui, bien sûr, le succès inspire souvent la jalousie, mais je ne vois pas qui aurait pu commettre ce geste atroce. Ah, hélas, il y a pourtant un coupable. Quelqu'un a rempli la fiole de vrai poison. Parmi les acteurs de votre compagnie? Oh, c'est impensable, monsieur le commissaire. Il n'y avait pas d'intrigue? Tous les comédiens qui sont chez nous sont non seulement de vieux camarades, mais De vrais amis, monsieur le commissaire. Il faudra pourtant que je les interroge. Aucun n'est coupable. Je ne demande qu'à vous croire, madame, mais je dois mener mon enquête quand même. Mais l'inspecteur qui était là au moment du drame... L'inspecteur Rister, oui. Oui, il a fait mettre les scellés sur toutes les loges d'acteurs. C'est tout à fait naturel. Pensez-vous que le théâtre sera fermé longtemps? Le temps de l'enquête. Et ce sera long? Je vous promets de faire de mon mieux pour que la vérité éclate le plus rapidement possible, madame. Vous êtes très gentil, monsieur le commissaire. Je fais mon devoir, madame. Alors, Esther, tu as convoqué tout le monde? Tout le monde, monsieur le commissaire. Il n'y a rien d'anormal jusqu'à présent? Rien, monsieur le commissaire. Tu as pris des renseignements sur tous les acteurs, hein? Personnel de la troupe aussi? Jusqu'à présent, rien à signaler. Allô, oui, c'est moi. Comment? Destier? Oui, c'est un acteur. Louis Destier, bon. Quoi, tout de suite? Ah, eh bien, si c'est urgent, faites-le entrer. Oui, merci. C'est un acteur, Louis Destier. Et je l'ai convoqué pour cet après-midi. Il dit que c'est urgent et qu'il doit me voir tout de suite. Tiens. Oui, entrez. Pardon, excusez-moi, le commissaire Bourma. C'est moi, oui, mais entrez. Bonjour, monsieur le commissaire. Louis Destier. Enchanté, monsieur. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. L'inspecteur Rister, mon assistant. Monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, c'est urgent, paraît-il. Vous étiez convoqué à 15 heures, je pense. Oui, c'est exact, mais... Ce que j'ai à vous dire, c'est... Enfin, je crois que c'est assez important. Eh bien, monsieur, nous vous écoutons. Surtout, je souhaite, monsieur le commissaire, que mes paroles ne soient pas mal interprétées. Oh, ma foi, si vous vous exprimez clairement... Non, ce n'est pas ce que je veux dire, monsieur le commissaire. Hein? Je ne voudrais pas apparaître dans le rôle d'un mauvais camarade. Il ne faut surtout pas que vous jouiez un rôle. Nous ne sommes pas ici au théâtre. Et le drame dont je m'occupe est un vrai drame, monsieur. Je le sais, monsieur le commissaire. Alors, dites-nous simplement ce que vous voulez nous dire. Croyez bien qu'il n'y a de ma part ni jalousie ni mauvais esprit. Mais au fait, monsieur, au fait, venons-en au fait. Je ne suis venu que dans le désir d'aider la justice. Mais je vous en félicite, mais dites-moi ce que vous avez à nous dire. Eh bien, voilà. Je vous écoute. Ces derniers temps, depuis quelques semaines, Jean... Monsieur Capdeville? Jean Capdeville, oui. Et alors? Depuis quelques semaines? Eh bien, depuis quelques semaines, Jean m'a répété plusieurs fois que sa femme, Laura, que sa femme lui faisait peur. Peur? Oui, monsieur le commissaire. Hein? Et à votre avis, pourquoi monsieur Capdeville vous aurait-il fait cette confidence? C'était mon meilleur ami, monsieur le commissaire, il me disait tout. Vous le connaissiez depuis longtemps? Je le connais depuis l'âge de 14 ans et nous avons fait nos études ensemble. Oui. Mais pourquoi cette peur de sa femme? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Mais puisqu'il était votre meilleur ami, vous ne l'avez pas posé de questions. C'est complètement absurde, je le sais, mais... Lorsqu'il me disait qu'il avait peur de Laura, je faisais semblant de comprendre ce qu'il me disait. Mais à vrai dire, je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait me dire. Oui. Et vous... Oui. Enfin, avez-vous remarqué un comportement étrange de la femme de Jean Capdeville? Non, pas précisément, non. Pas précisément? Enfin, rien de marquant. Hein? Que voulez-vous dire? J'ai eu l'impression que... Enfin, je précise bien que c'était qu'une impression. Oui, oui, oui. Mais il m'a semblé que le couple n'était plus aussi uni qu'autrefois. Hein? Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est probablement une simple idée. Enfin, je trouvais qu'ils étaient moins affectueux, moins démonstratifs. Quoi, il y avait des mots, des éclats, des querelles? Ah non, non, non, mais... non, pas du tout, non. Aucune hostilité. Mais leur rapport semblait être plus froid. Et à votre avis, peut y avoir une explication? Non, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Laura, enfin, je veux dire, Madame Capdeville, était fidèle à son mari? Ah, absolument, ça j'en suis sûr, monsieur le commissaire. Aucun doute. D'ailleurs, s'il y avait eu la moindre chose, Jean m'en aurait parlé. Ouais. Et le mari? Jean? Ouais. Il était fidèle? Oh, oui, il était fidèle. Il aimait profondément sa femme. Oui, il aimait sa femme, c'est entendu. Mais Était-il fidèle? Je crois qu'il n'aurait jamais quitté Laura. Mais encore? Il lui arrivait peut-être de flirter gentiment comme ça, mais rien de plus. Oui, mais qu'entendez-vous par flirter? Je ne sais pas, moi, être un peu tendre, affectueux, mais enfin, sans que cela tire à conséquence. Ouais. Mais il ne trompait pas sa femme. Oui. Et il avait un flirt parmi les comédiennes de la troupe? Il n'avait pas réellement un flirt, mais c'est vrai, il a un peu flirté avec la petite Evelyne Blamont. Evelyne Blamont, vous connaissez Esther? Oui, monsieur le commissaire, oui, elle fait partie de la troupe, c'est vrai. Elle doit venir à 15h30. Bon. Vous avez autre chose à nous dire? Non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Jean avait peur de sa femme et fuyait sa peur en flirtant avec mademoiselle Blamont. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur le commissaire. Non, bien sûr. Mais je crois tout de même que ça pouvait attendre quelques heures. J'ai cru bien faire en venant vous voir avant les autres. C'est possible. C'est ce que je croyais. Dans ce cas, vous avez bien fait. Vraiment? Il faut toujours faire ce qu'on croit devoir faire. Il y a longtemps que vous faisiez partie de la troupe de Monsieur Capdeville, mademoiselle Blamont? Depuis un an, monsieur le commissaire. Et avant cela? Avant, j'étais au conservatoire. En effet, vous êtes très jeune. Quel âge avez-vous? 22 ans, monsieur le commissaire. En fait, votre entrée dans la troupe de monsieur Capdeville était votre première expérience professionnelle. C'est cela? Oui, monsieur le commissaire. Et monsieur Capdeville avait beaucoup de tendresse pour vous? J'avais beaucoup de respect pour son travail, sa générosité, son talent. C'était un homme extraordinaire, monsieur le commissaire. Oui. Et vous ne l'étiez pas indifférente? Je crois qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. Vous l'aimiez? Je l'admirais. Et que s'est-il passé entre vous? Ce qui s'est passé? Oui, vous l'admiriez, mais vous l'aimiez aussi, non? Il aimait sa femme. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup d'affection? Oui, c'est vrai, mais rien d'autre. Oui. Et vous espériez quoi? Rien. Vous aimiez sans espoir? C'est un peu ça, oui. Monsieur Capdeville, vous a-t-il fait des confidences? Des confidences? Oui, sur les gens de la troupe, sur sa femme, sur... Non, jamais. Et vous parlez jamais des acteurs? Il aimait beaucoup Louis Destier. C'était son meilleur ami. Et les autres? Il était ami avec toute la troupe. À part Louis Destier, il n'avait donc aucune préférence? Quelquefois. Oui? Marc Sancerre l'irritait un peu. Marc Sancerre? C'est un comédien. Et il l'irritait pourquoi? C'est un très bon comédien, mais c'est un homme aigri, pas toujours très agréable. Peut-être un peu jaloux de la réussite de Jean. Il y a eu des conflits? Pas vraiment. Quelquefois de la mauvaise humeur. Oui. Et monsieur Capdeville vous parlait de sa femme? Non, pas spécialement. Vous m'avez dit qu'il aimait sa femme. Il ne vous en parlait jamais? Jamais. Même pas sur le plan professionnel? C'est une très bonne comédienne, une femme intelligente, très cultivée. Et quelles sont vos relations avec madame Capdeville? Nous sommes des amis. Oui. Et elle aimait son mari? Beaucoup. Elle aimait, je crois aussi qu'elle l'admirait. Bien. Je vous remercie, mademoiselle. Vous êtes monsieur... Sancerre, Marc Sancerre. Acteur, c'est ça. Comédien. Premier prix de conservatoire. Oui, et vous faites partie de la troupe du Théâtre du Temps. Hélas, monsieur le commissaire, la crise du théâtre nous impose d'interpréter des rôles, mais nous refuse le choix des pièces. Ça, vous jouez dans Ruy Blas de Victor Hugo, c'est pas une bonne pièce? Bien sûr, mais tout dépend de ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Apparemment, vous ne semblez pas très heureux de votre sort. Au vrai dire, je n'ai pas de prétention, monsieur le commissaire. J'accepte même les petits rôles, mais je suis intransigeant sur la qualité de mes partenaires. En ce qui me concerne, je ne me fais pas de soucis, je m'en tire honorablement, mais par respect pour le public, je veux que le spectacle soit homogène. Vous voyez ce que je veux dire. Oh, très bien, vous n'êtes pas toujours satisfait de vos partenaires. Pas toujours, c'est vrai. Non. Je vous le répète, ce n'est pas de la prétention, c'est plutôt une question de formation. Vous comprenez, moi j'ai fait le conservatoire. Et heureusement ou malheureusement, j'ai appris à détester l'amateurisme. Oui, tous les acteurs doivent faire le conservatoire. Ils devraient, absolument. Mais notre métier est envahi par n'importe qui, des gens sans formation, sans école, vous comprenez, c'est tout simplement scandaleux. Alors, je suppose que le public sait faire la différence. Oh, pas du tout, monsieur le commissaire, absolument pas. Le public ne prend pas la peine de se renseigner sur la formation des acteurs. C'est dommage, croyez-moi. Alors, évidemment, de bonne foi, sans trop savoir, les gens applaudissent, ils sont contents, et par erreur, ils font un triomphe à des acteurs qui ne le méritent pas. Grâce au ciel, ce n'est pas mon cas. Et vous êtes au-dessus de tout ça, vous. Et Jean Capdeville, c'était votre ami. Tous les acteurs sont des amis, monsieur le commissaire. Mais l'homme. Quel homme? L'homme Capdeville. Ah, Capdeville dans la vie. Oui, si vous voulez. Ni bon ni mauvais, comme tout le monde. Oui. Et sa femme? Laura. Oui. On dit que c'est une bonne comédienne. Et votre avis? Oh, mon Dieu, elle joue dans la troupe de son mari. Je n'ai jamais vu ailleurs. Oui, et ses relations avec son mari? C'est un couple de théâtre, comme on dit. C'est-à-dire? Très extérieur, grandes effusions, affection démonstrative. C'est un bon couple. Oui, pour tout le monde, oui. Et pour vous? Oh, dans notre métier, mieux vaut savoir ne rien voir. Que voulez-vous dire? Rien du tout, je dois vous dire tout de suite, monsieur le commissaire, que j'ai pour principe de ne jamais m'occuper des autres. Je fais mon métier, un point c'est tout. Ouais. Mieux vaut savoir ne rien voir. C'est la sagesse. Alors dites-moi quand même ce que vous avez su ne pas voir à propos de Laura, la femme de Jean Capdeville. Je préfère me taire, monsieur le commissaire. Ah, vous êtes tenu de me dire toute la vérité. Mais... Tout ce que vous savez. Monsieur le commissaire, ce ne sont que des impressions. Je ne voudrais en aucun cas être un calomniateur. Oui. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. Oui, ça va. Oui, ça va. Nous ne sommes pas au théâtre, oui, monsieur Sancerre. N'empêche que c'est un texte admirable, monsieur le commissaire. C'est du Beaumarchais. Ah, ça, je le savais. Ah, Beaumarchais, quel auteur. Je vous le dis entre nous, monsieur le commissaire, je ne désespère pas un jour de jouer Figaro. Oui. Mais revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Figaro, je le lis tous les jours. Quel rôle, n'est-ce pas? Je vous en prie, monsieur Sancerre, ne changez pas la conversation, hein. Je vous ordonne de me dire ce que vous savez sur Madame Capdeville. Voilà. Soit, si c'est un ordre. C'est un ordre. Comment puis-je vous dire? En tout cas, ce que je vous dirai ne peut être considéré que comme une indication. Hein? Oui, un peu comme un metteur en scène orienterait un acteur. Oui, je comprends parfaitement. Non, mais que savez-vous? Je dois vous dire que ma loge est à côté de la loge de Georges Roussel. Georges Roussel? Oui, il fait partie de la troupe. Vous connaissez Esther? Oui, je l'ai convoqué, monsieur le commissaire. Oui, c'est un acteur. Enfin, ça, si on veut. Alors, vous savez, la séparation entre les loges n'est qu'une mince cloison. Et alors? Alors, on entend tout. Ah, et qu'avez-vous entendu? Je crois, monsieur le commissaire, avoir été assez explicite. Explicite? Quoi? Vous voulez dire que Laura, enfin, madame Capdeville... Et Roussel... Ah, moi, je ne dis rien. Non, soyons sérieux, monsieur Sancerre, je trouve votre attitude grotesque. Il s'agit d'un meurtre, ne l'oubliez pas. Hein. Mais je ne l'oublie pas, monsieur le commissaire, je ne l'oublie pas, croyez-moi. Ce drame m'affecte, croyez-le, et me cause d'ailleurs un grand préjudice. On a interrompu la représentation, on ne sera probablement pas payé. Mais la question n'est pas là. Qu'avez-vous entendu? Comment puis-je vous dire? Je n'ai rien vu. Mais vous avez entendu. Bon. Quoi? Des mots qui ne trompent pas. Roussel faisait la cour à Madame Capdeville, c'est ça? Il n'y a aucun doute. Ah. Et Laura? Elle semblait ne pas être indifférente. Oui. Et vous en avez parlé? À qui? Je ne sais pas, moi, je vous demande si vous en avez parlé. Ah, des potins. Mais appelons ça comme vous voudrez. Oh, c'est pas mon genre, monsieur le commissaire. Bon, c'est tout ce que vous savez? C'est tout, monsieur le commissaire. Vous croyez que c'est grave? Quoi? Eh bien, ce que je vous ai dit. Oh, soit, monsieur, c'est moi que ça regarde. Monsieur le commissaire, j'ai fait une carrière que bien de mes amis envient. Je préfère vous dire que je ne suis pour rien dans cette triste affaire et que je ne veux pas y être mêlé en aucune façon. Monsieur Roussel, je comprends votre attitude, mais vous êtes un des principaux témoins du drame. Et pour les besoins de mon enquête, je suis forcé de vous interroger. Je comprends, monsieur le commissaire. Alors que savez-vous de l'idylle entre la victime et mademoiselle Evelyne Blamont? Ce n'était exactement qu'une idylle, monsieur le commissaire. Une amourette sans importance, tout le monde vous le dira. Oui. Puis-je vous demander ce que vous pensez de Marc Sancerre? Marc? Marc, c'est un bon acteur, mais comme nous disons dans le métier, c'est un insupportable cabot. C'est-à-dire? Prétentieux, vaniteux. Enfin, c'est bien simple, il ne parle que de lui. Si je suis bien informé, votre loge au théâtre est à côté de la loge de Marc Sancerre. C'est exact. Et de votre loge, vous pouvez entendre ce qui se dit dans la loge voisine. Bon, les loges ne sont séparées que par de minces cloisons en bois. Donc on peut facilement entendre ce qui se dit chez le voisin. Absolument. Ainsi, M. Sancerre peut entendre tout ce qui se passe dans votre loge. S'il se donne la peine d'écouter, bien entendu. Eh bien, je crois qu'il s'en donne la peine. Que vous a-t-il dit? En lui, rien. Mais de son interrogatoire, j'en ai déduit que vous n'étiez pas toujours seul dans votre loge. Je me trompe? Non. J'ai compris ce que vous voulez dire. Non, il est peut-être préférable de dire simplement les choses. C'est ce que je pense. Vous êtes amoureux de Madame Capdeville? J'aurais tort de le nier, c'est vrai. J'aime Laura. Et Laura? Elle n'était pas libre. Mais, à présent, elle l'est. Monsieur le commissaire, je pense que... Enfin, je veux dire que vous semblez vouloir tirer des conclusions un peu hâtives. Non, je ne tire pas de conclusions, je constate. Vous êtes amoureux de Madame Capdeville, elle est mariée, elle aime son mari, vous ne lui êtes pas indifférent, mais comme vous le dites, elle n'était pas libre. Or, dès maintenant, elle est libre. J'espère, monsieur le commissaire, que vous n'imaginez pas... Non, j'imagine rien. Rassurez-vous, je cherche à travers les faits, c'est tout. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Hein? Et vous n'avez rien à ajouter? Rien, monsieur le commissaire. C'est bien. Alors, Esther, cette enquête, elle avance? Je pourrais vous poser la même question, monsieur le commissaire. J'ai vu tous les acteurs principaux. Des drôles de personnages, dites-donc. C'est apparemment une grande famille, ils sont tous grands amis, mais pris séparément, alors là, c'est autre chose. Et vous? J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, monsieur le commissaire. On a fouillé le théâtre? Oui, monsieur le commissaire. Les loges? Tout a été examiné, fouillé... Et ça n'a rien donné? Hélas, rien, monsieur le commissaire. Sauf ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce petit flacon de vernis pour coller les postiches, les fausses barbes, ouais. les fausses moustaches. Oui, ce flacon est vide, alors. Il reste quelques gouttes de vernis au fond. Où l'avez-vous trouvé? Dans la loge de Jean Capdeville, dans une petite poubelle sous le lavabo. Bon, un flacon de vernis vide, ça n'a aucun intérêt. Grand intérêt, monsieur le commissaire. Car je suis passé au laboratoire. Et le fond du vernis est à la strychnine. Le poison qui... Absorbé par Jean Capdeville. Ah, alors là, bravo. Ah, bravo, Esther. Ah, bravo. Oui, j'ai cru bien faire en faisant examiner ce flacon. Oui, mais vous avez très bien fait. Excellente initiative, mon vieux. Ah, nous allons bientôt tout savoir, Esther. Vous croyez? J'en suis sûr. Monsieur Planel attend que vous le receviez. Planel qui... Roger dit... Planel. Ah! C'est l'habilleur de Jean Capdeville. Oui, je vois. Eh bien, Esther, selon ce que me dira ce monsieur... J'aurai la solution, ou alors tout sera refait. Comment? Allez, faites entrer, monsieur Planel. Alors ça m'intrigue, alors. Entrez, monsieur, entrez. Monsieur... Commissaire Bourman, entrez, entrez, monsieur. Monsieur le commissaire, vous êtes monsieur Roger Planel, n'est-ce pas? Mais c'est bien cela, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur le commissaire. Vous n'êtes pas acteur. Je l'ai été, monsieur le commissaire. Oui, et vous avez préféré devenir habilleur. Préféré? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est plutôt ma dignité qui m'a éloigné de cette profession. Votre dignité? Oui, ce serait trop long à vous expliquer. Je peux simplement vous dire que par tempérament, j'ai horreur des compromissions, des intrigues, des mensonges, de la vanité. Alors évidemment, avec ce tempérament, je me suis retrouvé seul avec mon talent, hélas. Le talent ne suffit pas. C'est parfois même un handicap. Un handicap. On ne jalouse pas les pauvres, monsieur le commissaire. Oui. Oui. Et vous avez donc renoncé à la carrière d'acteur. C'était un choix. Ma famille ou le théâtre. Non, j'ai préféré ma famille. À 60 ans, je n'ai à rougir de rien. Ma vie est simple et sans histoire. Mais vous n'aimez pas le théâtre et pourtant vous travaillez dans... Non. Pardon, monsieur le commissaire, non. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas le théâtre. Non, au contraire, c'est toute ma vie. Non, monsieur le commissaire, c'est par respect pour le théâtre que j'ai préféré m'abstenir. Je vous le dis en toute modestie, monsieur le commissaire, lorsqu'on est né pour jouer la tragédie avec un T majuscule, on ne se commet pas avec n'importe qui et dans n'importe quoi. Voilà, je suis sûr que vous êtes de mon avis. Oui. Donc, vous êtes habilleur. C'est cela. Voilà. C'est ça. Et quelle est la nature de votre travail? Habilleur. C'est une très grande responsabilité, monsieur le commissaire. Un rôle obscur, mais terriblement important. Je veille à tout. Costumes, chaussures, perruques, le maquillage, l'ordre, le repos de l'acteur. Tout ça, c'est moi. Oui. Et vous vous occupez de plusieurs acteurs? Non, un seul. J'étais l'habilleur de Jean Capdeville. Un bon acteur. Il savait tirer le meilleur profit de tous mes conseils, monsieur le commissaire. Oui. Les acteurs que j'ai rencontrés occupent chacun une loge. Les principaux rôles, oui. Et les autres? Le reste de la distribution se prépare de l'autre côté du théâtre. Bon. Et vous avez une idée sur ce qui s'est passé? Je n'y comprends rien, monsieur le commissaire. Depuis la mort de Jean, j'ai rassemblé tous mes souvenirs, et plus je pense à cette affaire, moins je comprends. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas comment on a pu mettre du poison dans le flacon prévu pour le faux poison. Quelqu'un a pu s'introduire dans la loge avant la représentation. Non, impossible. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi? Non, écoutez, Jean Capdeville utilisait le flacon au dernier acte de la pièce, oui. Au cinquième acte. Oui. Oh, je m'en souviens parfaitement. Le flacon était vide et débouché. Pendant le quatrième acte, je le vois comme si j'y étais. C'est Capdeville lui-même qui, chaque soir, avant le cinquième acte, le remplissait d'eau. Oui, il préférait boire vraiment en scène. Vous en êtes certain? Absolument, monsieur le commissaire. Dites, on a retrouvé un flacon de vernis vide dans la poubelle de la loge de Jean Capdeville. Un flacon de vernis? Oui, vous êtes au courant, non? Non, un flacon de vernis, vous dites? Vide. Ah oui? Alors oui, là, c'est oui, anormal. Pourquoi? Il y a sur la tablette de maquillage de Jean Capdeville un flacon de vernis à moitié rempli. Oui, l'ancien flacon a été jeté il y a longtemps et les poubelles sont vidées tous les jours. C'est bizarre. Sûrement. Une dernière question, monsieur Planel. Oui, monsieur le commissaire, oui. Avez-vous quitté la loge entre le quatrième acte et le crime? Absolument pas, monsieur le commissaire. Ça, je suis resté dans la loge, je faisais même des mots croisés. Donc, personne n'a pu entrer dans la loge? Personne, monsieur le commissaire, personne. C'est d'ailleurs pourquoi, je vous l'ai dit, je ne comprends pas comment tout cela a pu se produire. Oui, c'est en effet mystérieux. J'ai tout vérifié, monsieur le commissaire. J'ai revu tout le monde. Ben, je crois que tous ces gens ont dit la vérité. Alors, je crois qu'on peut conclure. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Monsieur Destier. Je viens de recevoir une lettre. Et de qui? De Jean Capdeville. De Capde? Oui. Mais c'est pas possible, voyons. Si, c'est très impressionnant, mais c'est vrai. Tenez, cette lettre a été postée le jour du drame. Et que dit cette lettre? Elle est très courte. Allez, je vous la lis. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. J'ai les pires pressentiments. S'il m'arrive malheur, qu'on se souvienne que Laura me hait. Voilà, c'est tout. Ouais. Vous voyez, Esther, cette fois, je crois qu'on peut conclure. Mais comment ça, monsieur le commissaire? Je comprends pas, vous. Non, non, vous pensez que vraiment il s'est... Suicidé, oui. Suicidé? Oui. En écrivant cette lettre, Jean Capdeville nous explique tout. Il en a trop fait, comme on dit, je crois, dans votre métier, monsieur Destier. Mais oui, sachant que sa femme s'éloignait de lui, jaloux, confondant le théâtre et la vie, pour s'être trop souvent laissé applaudir dans de faux suicides de théâtre, pour avoir trop aimé, trop haï sur scène, et il a voulu aller plus loin. Jean, se suicider, mais enfin, pourquoi? Oh, victime probablement de la grande famille. La grande famille? La troupe du théâtre. Là où tous les sentiments sont ressentis à fleur de peau, là où tout le monde aime les histoires, les drames, oh, pas par méchanceté, pas par un goût malsain de l'anecdote, mais tout simplement pour y jouer un rôle, et souvent n'importe quel rôle. Il y a, hélas, des erreurs de distribution dans la vie, et ça ne pardonne pas. Voyez-vous, monsieur Destier, ce n'est pas à moi à vous donner des leçons d'art dramatique, mais cette histoire me fait croire que le grand problème de l'acteur n'est pas seulement d'entrer dans la peau du personnage, mais de savoir en sortir complètement quand le spectacle est terminé. Que va-t-il se passer maintenant, monsieur le commissaire? Et rien. Mon enquête est terminée. Mais au théâtre? Oh, au théâtre. C'est très simple, je ne me fais pas de soucis. Il se trouvera toujours un acteur pour remplacer un autre acteur. Ainsi, les personnages de théâtre ne meurent jamais. Une mort de théâtre. Une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialoguée par Marc Cottel. Une émission de Jean de Gives, réalisée par Jean Ruche. Théâtre radiophonique, une production de Radio Nederland à Hilversum, Hollande.